Je ne perds pas de temps en ne vous remerciant pas pour votre invitation. Et je vais aussi dire que ce que je vais énoncer maintenant va rencontrer beaucoup d'échos avec ce qui a été dit précédemment, surtout avec l'expérience soviétique et russe. Avant de vous livrer mon expérience d'histoire immédiate, et plus exactement de mise en récit d'une histoire immédiate, je vais rappeler quelques particularités de mon terrain et de mon parcours, particularités qui ont une incidence forcément sur la manière d'envisager l'histoire présente et l'histoire immédiate, et par conséquent sur ma contribution à ce débat. Alors je suis spécialiste, pas tout à fait de l'Amérique du Sud, mais de la moitié de l'Amérique du Sud, du Brésil, qui représente en superficie la moitié de l'Amérique du Sud, en population et en PIB. C'est pour dire, face au... il y a autant de... Je fais cette petite précision parce qu'on oublie souvent un peu les rapports de force de ce continent lointain, mais il y a autant d'habitants de l'État de São Paulo que d'Argentins, à peu près. Et si l'État de São Paulo était indépendant, ça serait la troisième ou la quatrième économie d'Amérique latine et le troisième pays par la population. Et c'est un des 27 États de la Fédération brésilienne. Mes travaux de recherche concernant le Brésil ont été consacrés principalement aux questions politiques du 19e siècle brésilien, donc assez loin de l'histoire immédiate. Il se trouve que je suis rattachée depuis le 1er septembre à l'Institut d'histoire du temps présent, et que donc ça suppose une réorientation de mes recherches. Qui n'est pas une réorientation complète, parce que j'ai toujours suivi l'histoire du temps présent, la construction de l'historiographie brésilienne, et que, comme la bibliographie sur l'histoire du Brésil contemporain est pauvre en langue française, j'ai rédigé quelques synthèses qui, forcément, allaient jusqu'à nos jours. Et il se trouve que, jusqu'à l'expérience que j'ai eue l'année dernière, la question de la coupure ne me posait pas spécialement de problème. Juste, j'y réfléchissais un peu en finissant le livre, mais ça ne posait pas des problèmes épistémologiques ou intellectuels très forts. Et puis, il se trouve que l'année dernière, l'éditeur Chandeng m'a demandé d'actualiser et de réviser un livre dont la première version était parue en 2008, 2008-2016. C'est pas, en général, ça permet des petits ajustements et peu de grandes transformations des derniers chapitres. Et puis là, c'est tombé en pleine, au milieu de la crise politique la plus grave qu'ait connue le Brésil depuis 1964, le coup d'État civil et militaire. Donc avec évidemment un changement d'échelle extrêmement grand dans mon appréciation de la crise et aussi de ses implications sur la manière d'écrire là l'histoire, de l'ancrer dans une durée plus longue. Donc avant d'aborder exactement cette expérience particulière, je vais rappeler ce qu'on entend par histoire du temps présent, par la périodisation de l'histoire contemporaine au Brésil. S'il y a un moment de divergence majeure entre l'Amérique latine en général et le Brésil en particulier, d'une part, et puis d'autre part, l'Europe et les États-Unis, c'est bien au XXe siècle qu'il se produit, et particulièrement dans la manière dont le XXe siècle et les deux guerres mondiales ont été vécues et perçues en Amérique latine. C'est évidemment pas du tout le même poids, et quand on compare avec l'incidence de la Seconde Guerre mondiale essentiellement sur justement la construction d'une histoire du temps présent, là il y a un hiatus, il y a vraiment une autre historiographie à comprendre. Alors la périodisation de l'histoire nationale, c'est-à-dire du Brésil depuis son indépendance, est dominée, un peu comme toutes les histoires nationales, par les grandes coupures politiques, distinguant le Brésil, la période impériale, qui correspond aussi à peu près à la période esclavagiste. Ensuite, la longue première expérience républicaine, jusqu'en 1930, et ce qu'on appelle histoire contemporaine du Brésil, et qu'on retrouve dans les programmes, dans les enseignements des universités dans le département d'histoire contemporaine. L'histoire contemporaine du Brésil, elle commence en 1930. C'est la grande coupure, l'entrée dans le XXe siècle, en fait, c'est 1930, qui correspond au Brésil à l'arrivée au pouvoir, c'est encore une coupure politique. C'est un épisode qui s'appelle la Révolution de 1930, et c'est le seul, c'est un coup d'État qui a été populaire, qui est le seul épisode de l'histoire brésilienne à avoir conservé cette étiquette de Révolution de 1930. Sauf dans l'État de Saint-Paul qui a été victime de cette prise du pouvoir et où on trouve encore, on parle de coup d'État et c'est le seul endroit du Brésil où c'est vraiment canonique, Révolution 1930. Alors, cette Révolution de 1930 signe l'accession au pouvoir de Getúlio Vargas qui domine le XXe siècle brésilien. Même après sa mort, en 1954, sa mort dans des circonstances particulières, puisqu'il est menacé d'être déposé et que, pour justement résister à une déposition, à un coup d'État, il se suicide en plein palais présidentiel. Alors, c'est un épisode extrêmement traumatique, mais qui structure l'histoire contemporaine du Brésil. L'ère Vargas, enfin Vargas et par ses héritiers, est le personnage clivant jusqu'au coup d'État militaire de 1964 qui se fait contre lui, contre ses héritiers, et même au-delà de cette coupure. Suit la dictature militaire de 1964 à 1985. Et la période qui suit 1985, c'est la période de la Nouvelle République, dont la Constitution date de 1988 et qui est toujours en vigueur. Alors, l'histoire contemporaine, commençant à partir de 1930, s'est institutionnalisée tardivement au Brésil. Et les premiers ouvrages sur l'histoire récente, sur la période 1930-1964, qui a été fait presque immédiatement, c'était l'histoire quasiment immédiate, en tout cas pour la fin de la période, est dû à un historien américain, Thomas Skidmore, qui en 1967 a publié un ouvrage d'histoire politique, enfin une grosse synthèse sur cette période-là. Et puis suivi, c'est le premier à avoir fait une histoire du régime militaire qui a été publié en 1988, donc extrêmement rapidement. Mais au Brésil même, l'institutionnalisation de l'histoire contemporaine qui commence en 1930, elle date, je crois qu'elle a vraiment une date de naissance qui est 1973, la création au sein d'un grand établissement dont on n'a pas tellement l'équivalent en Europe, qui est à la fois une collection de grandes écoles, qui est à la fois l'INSEE, une école de droit, HEC, etc. Et au sein de la fondation Getúlio Vargas, est fondé un centre qui s'appelle le Centre de recherche et de documentation du Brésil contemporain, qui est créé par la petite fille de Getúlio Vargas, sociologue de formation, et pour y abriter, en gros, les papiers personnels, les archives privées de son grand-père, donc cet homme politique absolument considérable dans l'histoire du Brésil. Et jouant des relations de son entre-gens politique, elle fait du CPDOC un centre de conservation d'archives privées de toute la classe politique brésilienne, suivant la période de 1930. Le centre d'archives, mais aussi centre de recherche, on lance dans les années 70 donc, un grand dictionnaire historico-biographique consacré exclusivement à la période qui suit 1930. J'ajoute à cela, et c'est tout à fait lié à l'histoire et au développement de l'histoire du temps présent au Brésil, très rapidement la mise en œuvre d'archives orales, avec une politique d'enregistrement systématique, d'entretien, qui suivent donc le droit des archives privées, hein, qui sont avec une politique de transcription ou d'écoute directe, et c'est absolument, ça reste extrêmement important. Alors, ces archives orales donnent naissance aux premiers travaux sur la dictature militaire, très tôt, à partir justement de l'exploitation scientifique de ces entretiens. Alors, il y a trois livres qui sortent en 94 et 95, c'est-à-dire exactement 10 ans après le retour à la démocratie, et à partir d'entretiens réalisés avec des officiers et de leur approche, alors ces thématiques, du coup d'État lui-même, de leur politisation, de la répression et de l'ouverture, enfin de la transition démocratique. Trois volumes, alors qui sont constitués essentiellement d'une sélection d'extraits de ces entretiens et d'une introduction et de notes critiques. C'est plus une édition critique, mais ce sont les premiers travaux qui abordent, alors qui se présentent comme la mémoire militaire sur la répression, le coup d'État, etc., mais qui sont un jalon absolument fondamental pour lancer les études et les approches sur le régime militaire 1964-1985. Alors, avec une précision à apporter vraiment toute l'histoire du temps présent du Brésil actuellement, elle se concentre ou elle se réduit à la période, enfin aux 21 ans du régime militaire. Alors, avec une caractéristique particulière, celle de la transition démocratique, qui fait que les militaires ont contrôlé leur sortie du pouvoir de bout en bout, c'est un processus lent, graduel et contrôlé du propre aveu des militaires, qu'il n'y a eu aucune épuration, hein, aucune purge. Les gens qui avaient été victimes, qui avaient été mis au chômage ou écartés, ont récupéré leur poste et ensuite des indemnités. Mais ils ont dû continuer à travailler avec éventuellement des gens qui les avaient dénoncés. Et d'autre part, il y a une loi d'amnistie, hein, qui date de 1979 et qui, jusqu'à maintenant, qui ne permet aucune condamnation pour les violations des droits de l'homme. Alors, le CPDOC a été vraiment essentiel pour lancer ces travaux. Avec les limites qu'on oppose régulièrement à l'histoire du temps présent, c'est-à-dire que c'est une histoire surtout politique, avec aussi l'aspect de la répression, hein, important. Et puis c'est pas une histoire par le bas, hein, c'est une histoire surtout des élites, des cadres. Il y a peu de choses de ce, et une histoire aussi, et là je me rends compte, enfin, de convergence entre les différentes sciences sociales, hein, beaucoup de sociologues. Alors ça tient aussi au fait que la professionnalisation de l'histoire, et alors particulièrement de l'histoire contemporaine, soit très récente aussi au Brésil. Toutes les formations doctorales datent des années 80-90, c'est-à-dire c'est extrêmement récent. Avant cette date-là, il y avait une formation doctorale à l'Université de São Paulo, et les historiens soit partaient se former à l'étranger, soit en fait se formaient dans d'autres disciplines, en sciences politiques, en sociologie essentiellement, ou en anthropologie, mais pas directement en histoire. Entre le début des années 70 et les années 2000, la période de la dictature militaire a été fortement investie par les historiens, ça tient aussi à l'ouverture des archives, et aussi parce qu'il y a une forte demande de la génération née, justement, celle qui a eu 20 ans à la fin des années 90, qui est née au début de la période de redémocratisation, enfin qui n'a pas connu la dictature militaire, la génération d'après, qui s'est fortement investie dans des travaux de recherche historique sur la dictature, en même temps qu'il y avait une demande sociale, effectivement, d'éclaircissement et de procès de justice qui ne peut pas avoir lieu en raison de la loi d'amnistie. Alors, cette période a été extrêmement travaillée, et a mis beaucoup l'accent, justement avec l'ouverture des archives, pas des les archives militaires en revanche, ont disparu, n'ont jamais été communiquées, mais bon, il y a d'autres. Et ce sur quoi on a mis l'accent, c'est plutôt finalement les bases sociales de la dictature, hein, et finalement le consentement d'une partie, disons, de la bourgeoisie, enfin de la majorité de la bourgeoisie brésilienne, à ce régime autoritaire, moralisant, conservateur, à cette espèce de retour à l'ordre que mettent en évidence tous les courriers reçus par la censure et les lettres de dénonciation diverses. Alors, cette période de la dictature militaire, qui commence donc, ça s'est achevé en 85, il y a plus de 30 ans, au contraire de ce qu'on pourrait penser, n'est pas une période qui refroidit, mais au contraire, c'est une période qui connaît une actualisation brûlante, et notamment à la faveur, c'est ce qui apparaît dans cette crise politique extrêmement grave dont je vais parler immédiatement. Alors, comme je l'ai indiqué, en fait, à la demande de mon éditeur, fin 2015, j'aurais dû livrer la version actualisée du livre pour mars 2016. Sauf que en février-mars 2016, il apparaît clairement que la présidente, donc Dilma Rousseff, réélue pour le Parti des Travailleurs, que son destin est scellé et que, vraisemblablement, elle va être destituée. Donc, là se pose la question... Alors, ce n'est pas seulement une péripétie politique. Hein. Très vite, la gravité de la crise politique apparaît dans toute sa netteté, hein, et donc dans sa profondeur. Alors, la mise en récit de cette histoire immédiate, qui est même pas, d'ailleurs, c'est même pas encore de l'histoire, parce que c'était en train de se faire, la présidente n'était pas tombée, m'a obligé à écrire ce récit sous une double injonction, d'abord l'actualisation du manuel, et puis aussi des sollicitations médiatiques pour éclairer la crise brésilienne. Alors, des sollicitations sous les formats les plus divers, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en gros, on demande là à l'historienne, en l'occurrence, effectivement, d'éclairer ce qui se passe. Pas du tout, on demande rarement de la profondeur historique, ou dans des sollicitations particulières comme le média The Conversation qui demande un peu plus d'engagement historien. Mais sinon, dans des interviews pour les grands médias, même France Culture, ça reste extrêmement dans un temps très court. Alors, ce qu'on demande, c'est de l'ordre du prédictif. On ne demande pas à l'historien d'expliquer ce qui s'est passé, mais ce qui va arriver le lendemain. Et j'avoue que j'ai cru bien des fois subir le sort des astrologues de Tibère. Bon. Cela dit, c'est aussi, je pense qu'il faut voir ce type de sollicitation non pas comme un écueil, mais plutôt comme un jeu intellectuel aussi à penser en termes de scénario, en termes aussi contrefactuels, pour aborder cela. Alors, cet impératif de la mise en récit est aussi dicté par de bonnes et de mauvaises raisons. Alors, je vais commencer par les mauvaises, et là, de mon point de vue personnel, il y a dans une crise, dans le travail d'historien au milieu d'une crise d'une portée historique importante, une mauvaise excitation, hein, l'ère de la guerre, quelque chose, on a l'impression de participer à l'histoire en train de se faire. Les projecteurs sont braqués sur son terrain d'études qui n'intéresse en général personne, et voilà. Et il y a une forme d'excitation dont il faut avoir conscience. Enfin, alors ça ne signifie pas qu'il faille se retirer, mais en tout cas c'est très clair et ça fait partie de ce travail. Alors les bonnes raisons. C'est que dans une situation de crise, alors la crise a été d'une très grande violence, il y a eu un retournement de la conjoncture concernant le Brésil, très spectaculaire. 2010, 7,5% de croissance, Lula quitte le pouvoir avec 90% d'approbation populaire, Le Brésil pointe à la sixième place. Alors, vous, si vous regardez les livres qui sortent à ce moment-là, Un géant s'impose, La grande puissance du XXIe siècle, etc. Bon. Et puis 2015, recul de 4% du PIB. 2016, recul de 4% du PIB. Taux de chômage qui explose. Et donc, situation... le coup d'État parlementaire. On pourra gloser, mais appelons les choses. Enfin, c'est quand même ça qui s'est passé. Et en plus, donc, ce moment, ce contraste entre l'euphorie d'un pays qui s'en sort, avec une sorte de projet de société qui apparaît cohérent. Et qui tout d'un coup s'effondre, c'est un grand moment de dépression pour les Brésiliens eux-mêmes, mais aussi évidemment pour les observateurs. Donc le fait d'essayer de rationaliser ça par un discours historien, et avec les échanges intellectuels que ça suppose, c'est aussi une forme de consolation et de domestication, disons, de l'événement. Et puis, il y a un apport de l'histoire à ça, justement pour jauger de l'historicité de ce qui est en train de se passer. La crise renvoyant à d'autres crises précédentes et éclairant, effectivement, un cycle. Alors, le cycle de 13 ans de gouvernement d'un parti de gauche réformiste au pouvoir. Et puis aussi un cycle politique qui est celui d'alternance dans un système démocratique relativement bien accepté. Deuxième élément fondamental pour l'historien, le rejet de mémoire. Toute la crise politique qui s'amorce en 2013, font apparaître, alors instrumentalise politiquement, et puis font ressortir... actualise sous de nouvelles formes tout ce qui touche autour du régime militaire, de la dictature et du coup d'État de 1964. Le mot coup d'État était piégé parce qu'effectivement il renvoie et il était utilisé pour renvoyer à cette grande faillite de la démocratie. Alors d'autre part, ça a permis, et comme ça fait écho à ce qui a été dit sur la relecture du passé soviétique aussi, c'est de faire comprendre finalement, aussi de faire comprendre par la situation actuelle, ce qui s'est passé en 63-64, le basculement effectivement d'une majorité, enfin en tout cas des classes centrales de ce qu'on appelle les classes image au Brésil, c'est de la petite à la très haute bourgeoisie, c'est un continuum, ce sont les middle classes, et qui bascule à un moment vers l'autoritarisme et qu'on sent basculer dans le même sens aujourd'hui. Ça montre aussi, ça rompt avec une vision héroïque et unanimiste qui s'était imposée depuis 1985, d'une dictature militaire qui est le repoussoir, qui est exactement l'envers de la démocratie qu'on a essayé de construire et qui sert de garde-fou en fait à cette démocratie, qui fait l'objet, le rejet de la dictature et de la période de la dictature était vu comme un garde-fou pour maintenir la démocratie. Et puis on s'aperçoit que pas du tout, que la mémoire de ce qu'est le régime militaire n'est pas du tout partagée de manière unanime, tout ce qui était synonyme du régime militaire, c'est-à-dire la torture, l'autoritarisme, etc., les exils, ça ne joue plus ce rôle de repoussoir et c'est pas considéré comme un avant et un après, et que donc il faut travailler, c'est un appel aux historiens aussi à travailler sur la transmission et sur l'histoire dans la transmission démocratique, d'autant plus que justement l'histoire, l'enseignement de l'histoire, fait l'objet d'une offensive extrêmement grande en ce moment de mouvements d'extrême droite, de droite radicale, pour employer le terme international, qui vise l'enseignement public. Et c'est une association extrêmement puissante qui s'appelle École sans parti et qui vise à désidéologiser l'enseignement. Et surtout, l'histoire est particulièrement visée et l'interdiction commence à porter sur... Il est interdit d'enseigner l'histoire contemporaine du Brésil. Il faut s'arrêter éventuellement dans les années 60, mais ne plus ne bannir l'histoire immédiate, avec aussi des intrusions à l'université, enfin un espace et des intrusions dans le débat public, enfin un climat extrêmement lourd. Bien, alors pour terminer sur l'écriture de cette histoire immédiate et sur ce qui est toujours rappelé et qui est reproché à l'histoire immédiate, le manque de recul, en fait, le fait d'être forcément une histoire qui descend dans le débat public. Et donc qui ne se protège pas, enfin, c'est plus l'autonomie de la corporation et de la science qui protège finalement le propos de l'historien. Et je vais faire l'apologie de ce manque de recul. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'histoire immédiate sans qu'il y ait cet engagement, que de toute façon, alors ça ne signifie pas de servir une faction politique ou une cause, ou en tout cas d'abandonner sa distance critique, mais c'est que de toute façon, on y participe. Ne serait-ce, c'est une histoire, enfin, l'histoire immédiate, c'est une histoire qui expose l'histoire. Même tenir justement vouloir tenir un discours modéré et nuancé, ce qu'on fait de toute façon, c'est s'exposer à recevoir des messages d'insultes, je peux vous le dire, simplement pour avoir dit bon, c'est peut-être pas un coup d'État, mais en tout cas, c'est un coup politique qui est en train de se passer. Eh bien, ça a été sur le site de RFI. Que des messages extrêmement offensants, parfois de très bas niveau. Quelle que soit finalement la position que j'aurais tenue, ces messages arrivent. Donc de toute façon, cette histoire, elle est engagée parce qu'on n'est forcément pas dans le camp des... Enfin, le débat est tellement polarisé qu'il n'y a pas de position, on ne peut pas y échapper. Donc c'est une histoire risquée, exposée, en même temps, et c'est une histoire aussi où on vous invective finalement, on n'est plus protégé par le discours de la corporation, et donc on vous délégitime toujours, ce sont des non-historiens qui vous délégitiment toujours en tant qu'historien, en ajoutant un fait que vous êtes supposé ne pas connaître et négliger, ou en s'en prenant justement à votre position. Et puis, effectivement, il y a de la part de la corporation une méfiance par rapport à cette histoire-là, qui est parce qu'elle est exposée, et puis parce qu'elle est expérimentale aussi. Et notamment, je pense que là aussi, c'est un apport épistémologique possible, c'est que l'historien de l'histoire immédiate, il est obligé de penser aussi en termes de sources que les historiens qui ne travaillent pas sur l'immédiateté n'ont même pas idée que ça puisse exister. Mais comment fera-t-on, je pense aux archives là, du CPDOC, qui reposent sur des papiers privés, des correspondances, etc. Comment on fera l'histoire politique à partir... puisque les correspondances ont disparu, comment on fera l'histoire politique de maintenant? Enfin, il faudra de toute façon recourir à d'autres sources que les archives. Enfin, si on veut sortir d'une histoire institutionnelle et politique, à d'autres choses. Et donc, finalement, on expérimente un peu sans protection et sans filet des questions qui se poseront à ceux qui étudieront ces périodes-là, qui ne seront plus immédiates. Dans quelques années. En tout cas, même chose aussi, toute cette histoire immédiate oblige, et donc qui remet en jeu finalement une histoire plus ancienne, comme dans le cas de la Russie, essaie de trouver des solutions pour échapper au fatalisme historique. En gros, l'échec de la gauche au Brésil, qui répète des échecs, c'est celui de 54 que j'ai évoqué, c'est le retour, en fait, c'est une sorte de structure essentialisée de domination liée au passé esclavagiste, la domination, disons, une histoire de dominant et de dominé qui paraît absolument inéluctable, impossible à faire bouger, qui s'actualise de génération en génération sans beaucoup d'issue. Et donc le travail aussi des historiens, et parfois contre les historiens eux-mêmes, c'est d'essayer de libérer du poids de l'histoire et du passé les conditions politiques du pays. Voilà. Merci à vous. J'ai un peu débordé, peut-être. Mais... Je passe la parole.